Dans la ville de Hameln, tout le monde se réjouissait. Les affaires florissaient et l'hiver n'avait pas été trop rude. Aussi, tous les habitants du village dansaient-ils ce jour-là d'un pied léger pour fêter le retour du printemps. Fut bien obligé de déchanter. Jour après jour, les habitants du village se rendirent compte que les rats avaient envahi la cité. Jamais on n'avait vu cela. Il semblait que l'appétit des rats n'avait pas de limite et qu'ils allaient finir par dévorer le village tout entier. Dans la ville était dans. n'a que peu de mérite. Devons-nous lui donner les 1000 écus d'or qu'il réclame, alors que ces maudits rats ont fait de nous des misérables? C'est un sorcier, s'écrièrent les bourgeois. Tout le pays déjà le désignait du doigt. Seulement, le jour suivant, dès l'aube, le charmeur de rats sortit une fois encore dans la rue. Une fois encore, il joua un air envoûtant sur sa flûte, tout en avançant par rues et ruelles. Et cette fois, ce ne furent pas les rats et souris qui se ruèrent derrière lui, non, ce furent les enfants de la ville de Hameln. Généreux envers cet homme venu d'un pays sans nom. On dit d'ailleurs que les habitants de ce pays chantent du matin au soir, car il y fait bon vivre. On dit aussi que c'est là-bas que le joueur de flûte emmena les enfants, très loin, bien loin des hommes et de leur égoïsme.